Les compagnons d'Ulysse. Les compagnons d'Ulysse, après 10 ans d'alarme, erraient au gré du vent, de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord, ils perdent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants. Les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Ils s'envient de petits, exemplum ut talpa. Le seul Ulysse en réchappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchanteresse prit un autre poison, peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme. Celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendrait à ces Grecs leur figure. « Mais la voudront-ils bien ? » dit la nymphe, « acceptée. Allez le proposer de ce pas à la troupe. » Ulysse y court et dit « L'empoisonneuse coupe à son remède encore, et je viens vous l'offrir. Chers amis, voulez-vous, homme, redevenir ? On vous rend déjà la parole. » Le lion dit, pensant rugir, « Je n'ai pas la tête si folle. Moi, renoncer au don que je viens d'acquérir. J'ai griffes et dents, et mes empièces qui m'attaquent. Je suis roi. Deviendrai-je un citadin d'Ithaque ? Tu me rendras peut-être encore simple soldat. Je ne veux point changer d'état. » Ulysse, du lion, court à l'ours. « Eh, mon frère, comme te voilà fait, je t'ai vu si joli. » « Ah, vraiment, nous y voici, » reprit l'ours à sa manière. « Comme me voilà fait. Comme doit être un ours. Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre ? Est-ce à la tienne à juger de la nôtre ? Je me rapporte aux yeux d'une ours mes amours. Te déplais-je ? Va-t'en. Suis ta route et me laisse. Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse. Et te dis tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. » Le prince grec au loup va proposer l'affaire. Il lui dit, au hasard d'un semblable refus, « Camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère compte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ces moutons. Autrefois, ont-tu vu sauver sa bergerie ? Tu menais une honnête vie. Quitte ces bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. « En est-il ? » dit le loup. « Pour moi, je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière. Toi qui parles, qu'es-tu ? N'auriez-vous pas, sans moi, mangé ces animaux que plaint tout le village ? Si j'étais homme, par ta foi, aimerais-je moins le carnage ? Pour un mot, quelquefois, vous vous étranglez tous. Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups ? Tout bien considéré, je te soutiens en somme que scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. Je ne veux point changer d'état. » Ulysse fit à tous une même semonce. Chacun d'eux fit même réponse, autant le grand que le petit. La liberté, les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions. Ils croyaient s'affranchir, suivant leur passion. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes.